Ok. J'ai pris le mic à 17 ans, le 10 septembre, j'ai dit Satan, j'ai pas le temps parce que le rap ça me tente. La school c'est bien mais j'irai pas à la maîtrise. Mon kiff c'est une prise sur une instru qui donne la tricopise. La rage au ventre, la vie m'a montré ce que c'était. J'avais la dalle, mais trop fier, je voulais pas taffer en été. Autour de moi que de la peine, dehors que de la joie. Au micro je suis si habile et puis chez moi si maladroit. Pépère, j'ai pas voulu que mon rap soit ancré dans l'obscur. Je voulais devenir un homme sachant qu'on peut pas partir en homme pur. J't'avoue, pour moi le rap une sorte d'alimentation. J'en veux au monde qu'avec mon rap est devenu chant de lamentation. Pourtant, la sorte toujours du cœur, un cœur si terni. J'en place une à métisse des hanches crêtes qui a passé le permis. Ça fait mal quand la roue tourne et que c'est jamais ton tour. C'est encore pire quand à ta femme tu dis je t'aime sans retour. Pépère, peur d'avoir fait en Côte d'Ivoire toute mon enfance. Moi j'en place une à Jean-Marie parce que je suis pas né dans sa France. Souvent, moi j'ai la rage début comme Basil Boli. Plus souvent, je suis tellement seul, tout comme Econ dans l'homme. J'ai la foi, tout comme un prêtre, mais je ne prêche pas la bonne parole. Le mal, je le frappe aussi fort que les coups de mon père sur ma daronne. Quand je gratte sur la feuille et que ça sort pas, bah je me force. Et quand on me dit que mon son est bon, moi je ne gonfle pas le torse. J'espère. Mais qu'est-ce que tu ferais si t'allais presque perdre ta femme? Ou si en France le président de la République s'appelait Mustapha? Mais qu'est-ce que tu ferais si l'Afrique c'était l'Europe? Qui ferais-tu Booba si les gothiques faisaient du rap et non du rock? R.O.B.Y. tombait son froc, on fuck, on stop, de vrai mon homme, c'est ça. R.O.B.Y. toujours dans les bails. Vétéran du mic, retiens bien le slam. R.O.B.Y. tombait son froc, on fuck, on stop, de vrai mon homme, c'est ça. R.O.B.Y. toujours dans les bails. Les N pour les nœuds, quartier vénéneux, 91, sud de ma banlieue, parisienne, parisienne, pas que les Marseillais. Donc là-bas normal que mon son sera boycotté, mis de côté, tu peux rapper sans même étonner. T'as trop m'étonné, né de l'indépendance, dépendant que pendant. Pour le faux MC, saigne leurs dents, j'écris, tu connais ce qui s'ensuit. Suis tes larmes, c'est pas un drame, beaucoup me blâment quand ma voix s'enflamme. Messieurs et dames, je n'attends pas qu'on me réclame. Flow aiguisé comme une âme, 91, mon macadam. C'est pour mon Jacques et pour ma petite dame, pour fleurir ma street, je m'en bats les couilles de critique. Et des mecs au cul et là, on baisse son froc, on fuck, on stop, de vrai bon homme, c'est ça. R.O.B.Y. toujours dans les bails. Vétéran du mic, retiens bien le slam. R.O.B.Y. on baisse son froc, on fuck, on stop, de vrai bon homme, c'est ça. R.O.B.Y. toujours dans les bails. Vétéran du mic, retiens bien le slam.